colline, là-bas, là-bas où le soleil décline, j'ai entendu qu'il y a des garçons et puis des filles qui chantent des chansons pop qui tournent en l'air. Derrière la colline, là-bas, là-bas où le soleil décline, nous serons 100 ou peut-être 100 000 qui chanteront le nouvel évangile. Des chansons pop qui tournent en l'air. Des chansons pop, musique populaire. Dans un grand champ où le soleil décline, nous pourrons dire et chanter tous en chœur, tous réunis ce qu'on a dans le cœur. Là-bas, là-bas, derrière la colline, là-bas, là-bas où le soleil décline, venez chanter les chants de la sagesse, venez chanter les chants de la jeunesse. Des chansons pop qui tournent dans l'air. Musique populaire.